Section 6. Ici commence la nouvelle vie de Rancé. Il rompt avec sa jeunesse. Il la chasse et ne la revoit plus. Nous l'avons rencontré dans ses égarements, nous allons le retrouver dans ses austérités. La pénitence était son arrière-garde. Il se mettait à sa tête, se retournait et donnait avec elle sur le monde. Il paraissait dans son extérieur, disent les historiens, une majesté qui ne pouvait venir que du Dieu de majesté. Ceux à qui leur conscience reproche quelque chose ne l'osaient venir chercher, persuadés qu'ils connaissaient divinement ce qu'ils avaient de plus caché. « Qui me donnera, s'écriait-il, les ailes de la colombe pour fuir la société des hommes ?» Dans mes temps de poésie, j'ai mis moi-même ces paroles de l'écriture dans un chant de femme. L'hymne de Rancé se termine par ces mots. Les créatures me suivent partout, elles m'importunent. Par mes yeux, elles entrent dans mon esprit et portent avec elles l'inquiétude. Fermons les yeux, ô mon âme, tenons-nous si éloignés de toutes ces choses que nous ne puissions les voir et en être vus. Après ces éjaculations, on surprenait le moine les yeux levés vers le ciel. Il devenait immense, il s'agrandissait de toute la gloire éternelle. Il y a des tableaux qui représentent saint François au bord de la mer, en face de petits anges réunis dans des branchages dépouillés. Le 20 mai 1666 revit Rancé dans les obscurs chemins du Perche. Ce n'était là ni les restes de la voie Appia, ni de la voie Claudia. Rancé ne rapportait aucun souvenir de Rome, où tant de passions se sont formées, d'où tant d'hommes n'ont point voulu revenir. Les Troyens restèrent à Albe avec leur dieu. Rancé n'avait même pas cueilli, pour les joindre aux fleurs du printemps qui commençaient à renaître à la trappe, ces tubéreuses murales qui croient sur l'enceinte ébréchée de Rome, où les vents transportent çà et là leurs échafauds mobiles. Des divisions s'étaient élevées entre le prieur et le sous-prieur. Le prieur avait rempli les cellules de meubles inutiles. Le travail des mains avait été diminué. Les pratiques pieuses altérées. Le vin et le poisson reparaissaient sur les tables. Rancé, instruit à Rome de ses infractions, s'était hâté de demander à la trappe. Vous savez que les actions mortes ne sauraient plaire au Dieu de la vie. Gardez le silence autant avec vous-même qu'avec les autres. Que votre solitude soit autant dans l'esprit et dans le cœur que dans la retraite extérieure de vos personnes, que vos corps sortent de vos lits comme de vos tombeaux. Au moment où je vous écris, nos jours s'écoulent. Les souvenirs d'Horace ne cessaient de vivre dans l'opulente mémoire de Rancé. Dum loquimur fugerit invida aetas. Rancé remit la paix dans son monastère par la séparation de quelques chefs. Il se rendit ensuite au chapitre général de son ordre, qui se tint en l'année 1667. Un bref du pape de 1666 devait être reçu. Rancé avait connu ce bref à Rome. Plusieurs abbés, l'abbé de Citeaux à leur tête, l'acceptèrent. Rancé prit la parole, tout jeune qu'il était, et dit qu'il avait droit d'opiner comme ancien docteur par la date de son doctorat. Il soutint que le pape Alexandre VII n'avait ni vu ni connu ce bref. Il demanda acte de sa protestation qu'appuyèrent les abbés de Prière, de Faucomont, de Cadouin et de La Vieuville. L'abbé de Citeaux s'émut, Rancé tint ferme, vérifia le procès-verbal et obligea le secrétaire à le corriger. L'abbé de Citeaux, voulant la paix, nomma Rancé visiteur des provinces de Normandie, de Bretagne et d'Anjou. Rancé n'accepta pas la charge, mais le bref de Rome passa. Il supprimait le vicaire général de la réforme de France et défendait les assemblées qu'avaient autorisées les arrêts du Parlement et du Conseil. Rancé, à demi repoussé, regagna son monastère. Si les travaux spirituels avaient été interrompus, les constructions matérielles n'avaient pas été suspendues à la trappe. Les moines étaient eux-mêmes les architectes et les maçons. Les frères convers, appendus au haut du clocher, étaient ballottés par les vents et rassurés par leur foi. Celui qui plaça le coq sur l'édifice vint, avant son entreprise, se prosterner aux pieds de Rancé. La religion prit le frère par le bras et il monta ferme. Les travailleurs se mettaient à genoux sur leurs cordes lorsque l'heure des prières venait à tinter. Rancé augmenta le couvent d'un nombre de cellules. Il éleva une manse pour la réception des étrangers. on aperçoit dans l'avant-cour du couvent les écussons insultés des armes de France. Rancé fit bâtir deux chapelles, l'une en l'honneur de Saint-Jean Climac, l'autre en l'honneur de Sainte-Marie d'Égypte. J'en ai déjà parlé. Il déposa sur l'autel de l'église les reliques qu'il avait apportées de Rome et qui s'enrichirent ensuite de quelques autres. Dans l'église, il remplaça et il eut tort par un beau groupe cette Vierge de peu de prix qui, sur la cime des Alpes, rassérène les lieux battus des tempêtes. Rancé retira le couvent de la désolation humaine et l'épura par la désolation chrétienne. Ces lieux que les Anglais avaient fait retentir dans leurs pas armés ne répétèrent que le susurrement de la sandale. L'abbaye n'avait pas changé de lieu, elle était encore, comme au temps de la fondation, dans une vallée. Les collines assemblées autour d'elle la cachaient au reste de la terre. J'ai cru, en la voyant, revoir mes bois et mes étangs de Combourg, le soir, aux clartés alenties du soleil. Le silence régnait. Si l'on entendait du bruit, ce n'était que le son des arbres ou les murmures de quelques ruisseaux. Murmures faibles ou renflés, selon la lenteur ou la rapidité du vent, on n'était pas bien certain de n'avoir pas ouï la mer. Je n'ai rencontré qu'à l'Escurial une pareille absence de vie. Les chefs-d'œuvre de Raphaël se regardaient, muets, dans les obscures sacristies. À peine entendait-on la voix d'une femme étrangère qui passait. Rentré dans son royaume des expiations, Rancé dressa des constitutions pour ce monde, convenables à ceux qui pleuraient. Dans le discours qui précède ces constitutions, il dit « L'abbaye est sise dans un vallon fort solitaire. Quiconque voudra y demeurer n'y doit apporter que son âme. La chair n'a que faire là-dedans. » On croit lire quelques fragments des 12 tables ou la consigne d'un camp des 42 stations israélites. On remarque ces prescriptions. On se lèvera à 2 heures pour matine. On fera l'espace d'entre les coups de la cloche fort petit pour ôter lieu à la paresse. On gardera une grande modestie dans l'église. On fera tous ensemble les inclinations du corps et les génuflexions. On sera découvert depuis le commencement de matine jusqu'au premier psaume. On ne tournera jamais la tête dans le dortoir et l'on marchera avec gravité. On n'entrera jamais dans les cellules les uns des autres. On couchera sur une paillasse piquée qui est tout au plus un demi-pied d'épaisseur. Le traversin sera de paille longue. Le bois de lit sera fait d'ais sur des tréteaux. C'est dans l'obscurité de leurs cellules, dit M. Charles Naudier, dans ses méditations du cloître, que Rancé cacha ses regrets et que cet esprit ingénieux, qui avait deviné à 9 ans les beautés d'Anacréon, embrassa, à l'âge du plaisir, des austérités dont notre faiblesse s'étonne. Au réfectoire, on sera extrêmement propre. On y aura toujours la vue baissée, sans néanmoins se pencher trop sur ce que l'on mange. Puis viennent sur l'usage du couteau et de la fourchette des recommandations qui semblent faites pour des enfants. Le vieillard devant Dieu est revenu à l'innocence des jours puérils. Aussitôt que la cloche sonne pour le travail, tous les religieux et novices se trouveront au parloir. On ira au travail assigné avec grande retenue et recollection intérieure, la regardant comme la première peine du péché. Aux heures des récréations, on bannira les nouvelles du temps. Dans les grandes sorties, on pourra aller en silence avec un livre, dans un endroit du bois, hors de la hantise des séculiers. On tiendra le chapitre des coulpes 2 fois la semaine. Avant de s'accuser, on se prosternera tous ensemble et, le supérieur disant « quid dicitis », chacun répondra d'un ton assez bas « culpas meas ». À l'infirmerie, le malade ne se plaindra jamais. Un malade ne doit avoir devant les yeux que l'image de la mort, ne doit rien tendre à appréhender que de vivre. À ces constitutions, Rancé ajouta des règlements. Il commence par ce prolégomène. « Je ne m'acquitterai pas de ce que je dois à Dieu, de ce que je vous dois, mes frères, ni de ce que je me dois à moi-même, si je négligeais dans ma conduite quelque chose de ce qui peut vous rendre digne de l'éternité. » Puis arrivent les instructions générales. On ne demeura jamais seul, dans aucun lieu, dans l'obscurité, dit Rancé. Et cependant, sans s'en apercevoir, il mettait l'homme seul devant ses passions. Les observances en ce qui concerne les étrangers sont touchantes. On voyait des avertissements écrits en chaque chambre du quartier des hôtes. S'il est mort quelque part en proche, comme le père, la mère d'un religieux, l'abbé le recommande au chapitre sans le nommer, de manière que chacun s'y intéresse comme pour son propre père, et que la nouvelle ne cause ni douleur, ni inquiétude, ni distraction à celui des frères qu'elle regarde. La famille naturelle était tuée, et l'on y substituait une famille de Dieu. On pleurait son père autant de fois que l'on pleurait le père inconnu d'un compagnon de pénitence. Il y a des usages pour sonner la cloche selon les heures du jour et les différentes prières. Il y a des règles pour le chant. Dans les psaumes, aller rondement jusqu'à la flexe. Le Magnificat doit s'entonner avec plus de gravité que les psaumes. Quoiqu'aucune pause ne soit commandée dans le cours d'un réponse, on en doit faire dans le Salve Regina. Il faut qu'il y ait un moment de silence dans tout le cœur. Par ces règlements, Rancet avait mis à exécution ses deux grands projets, prière et silence. La prière n'était suspendue que par le travail. On se levait la nuit pour implorer celui qui ne dort point. Rancet voulait que l'âme et le corps eussent une égale occupation. Quand l'abbé s'apercevait que ses religieux souffraient de douleurs qui ne se décelaient par aucune marque apparente, à cela il s'attachait. Il ne paierait point à l'aide de miracles, il ne faisait point entendre les sourds et les aveugles voir, mais il soulageait les maladies de l'âme et jetait les esprits dans l'étonnement en apaisant les tempêtes invisibles. Variant ses instructions suivant le caractère de chaque cénobite, Rancet s'étudiait à suivre en eux l'attrait du ciel. Un mot de sa bouche leur rendait la paix. Des solitaires qui ne l'avaient jamais connu trouvèrent dans la suite, à sa sépulture, la guérison de leur peine. La bénédiction du ciel continuait sur sa tombe. Dieu garde les os de ses serviteurs. L'hospitalité changea de nature, elle devint purement évangélique. On ne demanda plus aux étrangers qui ils étaient, ni d'où ils venaient. Ils entraient inconnus à l'hospice et en sortaient inconnus. Il leur suffisait d'être hommes. L'égalité primitive était remise en honneur. Le moine jeûnait, tandis que l'hôte était pourvu. Il n'y avait de commun entre eux que le silence. Rancet nourrissait par semaine jusqu'à 4 500 nécessiteux. Il était persuadé que ces moines n'avaient droit aux revenus du couvent qu'en qualité de pauvres. Il assistait des malades, honteux, et des curés indigents. Il avait établi des maisons de travail et des écoles à Mortagne. Les maux auxquels il exposait ses moines ne lui paraissaient que des souffrances naturelles. Il appelait ces souffrances la pénitence de tous les hommes. La réforme fut si profonde que le vallon consacré au repentir devint une terre d'oubli. Il résulta de cette éducation des effets que l'on ne remarque plus que dans l'histoire des pères du désert. Un homme s'étant égaré entendit une cloche sur les 8 heures du soir. Il marche de ce côté et arrive à la trappe. Il était nuit, on lui accorda l'hospitalité avec la charité ordinaire, mais on ne lui dit pas un mot. C'était l'heure du grand silence. Cet étranger, comme dans un château enchanté, était servi par des esprits muets dont on croyait seulement entendre les évolutions mystérieuses. Des religieux, en se rendant au réfectoire, suivaient ceux qui allaient devant eux sans s'embarrasser où ils allaient. Même chose pour le travail. Ils ne voyaient que la trace de ceux qui marchaient les premiers. Un d'entre eux, pendant l'année de son noviciat, ne leva pas une seule fois les regards. Il ignorait comment était fait le haut de sa cellule. Un autre reclus fut 3 ou 4 mois sans apercevoir son propre frère, quoiqu'il lui tombât 100 fois sous les yeux. La duchesse de Guise, étant venue au couvent, un solitaire s'accusa d'avoir été tenté de regarder l'évêque, qui était sous lampe. Rancet savait seul qu'il y eut une terre. Ces grands effets ne se bornèrent pas à l'intérieur du couvent. Ils s'étendirent partout. Dans la suite, quand la trappe fut détruite, on en vit 1000 autres renaître, comme des plantes dont la semence a été soufflée au haut des ruines. J'ai cité dans les notes du génie du christianisme les lettres de M. de Clausel, qui, de soldat à l'armée de Condé, était venu s'enfermer en Espagne, à la trappe de Sainte-Suzanne. Il écrivait à son frère « J'arrivais un jour dans une campagne déserte à une porte, seul reste d'une grande ville. Il y avait eu sûrement dans cette ville des parties, et voilà que depuis des siècles, leurs cendres s'élèvent, confondues, dans un même tourbillon. J'ai vu aussi Morviedo, où était bâtie sa gante, et je n'ai plus songé qu'à l'éternité. Qu'est-ce que cela me fera, dans 20 ou 30 ans, qu'on m'ait dépouillé de ma fortune ? Ah, mon frère, puissions-nous avoir le bonheur d'entrer au ciel ? S'il me reste quelque chose, je désire qu'on fasse bâtir une chapelle dédiée à Notre-Dame des Sept Douleurs, dans l'arrondissement de la maison paternelle, selon le projet que nous en fîmes sur la route de Munich. Hâtez-vous de faire élever des croix pour la consolation des voyageurs, avec des sièges et une inscription comme en Bavière. Vous qui êtes fatigués, reposez-vous. J'aurai demain le bonheur de faire mes vœux. J'y ajouterai une croix comme on en met sur la tombe des morts. La chapelle vient d'être bâtie par mon vieil ami, M. de Clausel, dans les montagnes du Rouergue. Après plus de 40 années, l'amitié a rempli un vœu. Avant de quitter ce monde, ne verrai-je point cette pieuse sincérité de l'affection fraternelle, moi qui viens d'apprendre la mort de mon jeune neveu, petit-fils de M. de Malesherbes, et mort jésuite au pied des Alpes de Savoie, après avoir été brave officier? Je tarde tant à m'en aller que j'ai envoyé devant moi tous ceux que je devais précéder. Quand la trappe fut détruite, un porteur de la haire de Rancé demanda asile au canton de Fribourg. Les moines quittèrent leur monastère. Chaque religieux avait dans son sac sa robe et un peu de pain. La colonie s'arrêta à Saint-Cyr. Elle fut accueillie par l'hospitalité expirante des lazaristes et fut bientôt obligée de s'éloigner. Le vœu de silence et de pauvreté paraissait une conspiration à ceux qui faisaient de si horribles bruits. À Paris, les chartreux, prêts à se séparer, reçurent les trappistes. Les cloîtres de Saint-Bruno exercèrent leur dernier acte de charité. La solitude ambulante continua sa route. La vue d'une église lointaine, sur le passage des frères, les ranimait. Ils bénissaient la maison du Seigneur par la récitation des psaumes, comme on entend parmi les nuages des cygnes sauvages saluer en passant les savanes des Florides. À la frontière, la charrette qui traînait les bannis au ciel fut regardée avec compassion par nos soldats. On ne fouilla point ces mendiants. En entrant sur le sol étranger, les exilés se donnèrent le baiser de charité dans une forêt. À une lieue de l'ancienne abbaye de Val-Sainte, ils coupèrent une branche d'arbre, en firent une croix et reçurent le curé de Cernia qui venait à leur rencontre. À la Val-Sainte, ruine d'un monastère abandonné, ils trouvèrent à peine de quoi se mettre à l'abri. Dans un temps où les armes, les malheurs et les crimes faisaient tant de fracas, la renommée des solitaires se répandit au dehors. Les rois fuyaient et n'attiraient personne sur leurs traces. On accourait de toutes parts pour se ranger au nombre des moines réfugiés. La Val-Sainte, grossie de néophytes, fut obligée d'envoyer des colonies au dehors comme une ruche répand autour d'elle ses essaims. Mais la révolution qui marchait plus vite que la religion fugitive atteignit les trappistes dans leur nouvelle retraite. Obligés de quitter la Val-Sainte, chassés de royaume en royaume par le torrent qui les poursuivait, ils arrivèrent jusqu'à Butcherade, où j'ai rencontré un autre exilé. Enfin, le sol leur manquant, ils passèrent en Amérique. C'était un grand spectacle que le monde et la solitude fuyant à la fois devant Bonaparte. Le conquérant, rassuré par ses victoires, sentit la nécessité des maisons religieuses. Là, disait-il, se pourront réfugier ceux à qui le monde ne convient pas ou qui ne conviennent pas au monde. D'Augustin, trappiste fugitif, racheta les ruines de la trappe avec des aumônes. Il ne restait plus du monastère que la pharmacie, le moulin et quelques bâtiments d'exploitation. Dans les environs de Bayeux, les trappistines, chassées d'abord de la forêt de Sénart, s'établirent sous la conduite de ma cousine, Madame de Chateaubriand. Les enfants de Rancé ne trouvèrent en rentrant dans la solitude de leur père que des murailles recouvertes de lierre et des débris à travers lesquels serpentaient les ronces. Telle fut dès son début la vigueur de l'arbre que Rancé avait planté. Qu'il continue de vivre, il donnera de l'ombre aux pauvres quand il n'y aura plus d'ombre de trône ici-bas. J'ai vu à la trappe un ormeau du temps de Rancé. Les religieux ont grand soin de ce vieux lard, qui indique les cendres paternelles mieux que la statue de Charles II n'indique l'immolation de Charles Ier. Les moines dont je viens de tracer l'histoire avaient été les enfants de Rancé. Lorsqu'il arriva à la trappe, un de ses premiers soins fut de faire abattre une fuie, cellule de colombe, qui se trouvait placée au milieu de la cour, soit qu'il voulût abolir jusqu'au souvenir des temps d'une abstinence moins rigoureuse, soit qu'il craignît ces oiseaux que la fable plaçait parmi ses plus beaux ornements, et dont les ailes portaient des messages le long des rivages de l'Orient. Un trappiste se confessait d'avoir regardé un nid. Se reprochait-il d'avoir pensé à un nid ou à des ailes? Monsieur de Rancé fit détourner un grand chemin qui passait contre les murs de l'abbaye. Le bruit renouvelé de ce chemin descend encore aujourd'hui au fond de la vallée. Tout chef qu'il était, Rancé ne s'accorda aucune des préférences de ses devanciers. Il se contentait de la pitance commune, privé comme ses moines de l'usage du linge. Il prêchait et confessait ses frères. Ses seules distractions étaient les paroles qu'il recueillait sur le lit de cendre. Il fortifiait ses pénitents plutôt qu'il ne les attendrissait. Il n'était question dans ses discours que de l'échelle de Saint-Jean-Climac, des ascétiques de Saint-Basile et des conférences de Cassien. Les 5 ou 6 premières années de la retraite de Rancé se passèrent obscurément. Les ouvriers travaillaient sous terre au fondement de l'édifice. Rancé recevait sans distinction tous les religieux qui se présentaient. Le premier qui parut fut, en 1667, Don Rigobert, moine de Clairvaux. Ensuite, Don Jacques et le père Lenain. Ces réceptions commencèrent à faire des ennemis à Rancé. Cela nous paraît bien peu grave, à nous qui n'attachons de prix qu'aux guenilles de notre vie. Mais alors, c'était des affaires. Rome survenait, le grand conseil du roi s'en mêlait. Obligé d'entrer dans ces transactions générales, Rancé était forcé de survenir dans les accidents domestiques. Il administrait ses premiers solitaires, qui mouraient d'abord presque tous. Don Placide étant étendu sur sa dernière couche, Rancé lui demanda où il voulait aller. « Au-devant des bienheureux, » répondit-il. Don Bernard fut administré. À peine eut-il reçu le corps de notre Seigneur, qu'il eut un pressant besoin de cracher. Il se retint et mourut étouffé par le pain des anges. Claude Cordon, docteur de Sorbonne, reçut en arrivant le nom d'Arsène, nom devenu fameux dans les nouvelles légendes. Arsène, après sa mort, apparut dans une gloire à Don Paul Ferrand et lui dit « Si vous saviez ce que c'est que de converser avec les saints !» Puis il disparut. L'abbaye de Dorval se voulut réformer. L'abbé de Dorval convint d'une entrevue avec Rancé. Rancé partit, il rencontra l'abbé de Dorval à Châtillon, lieu triste où les espérances ne se réalisent pas. De là, il se rendit à Commercy, où il revit le cardinal de Retz. Il le détourna de la pensée apparente qu'il avait de se retirer à la trappe. Le saint homme, dit le nain, eut de bonnes raisons pour ne pas le lui conseiller. Monsieur Dumont, auteur de l'histoire de la ville de Commercy, a bien voulu m'envoyer une lettre de Rancé au cardinal de Retz. « Si votre éminence, dit l'abbé de la Trappe, croyait qu'il n'y eût personne dans le monde dont mon cœur fût plus occupé que d'elle, elle ne me ferait pas justice. » Voilà où la déférence pour les rangs peut conduire la piété même. Après sa sortie, Rancé se hâta de se replier et de rappeler du monde sa patrouille. Revenu à la Trappe, il admit à profession frère Pacôme. Celui-ci n'ouvrit jamais un livre, mais il excellait dans l'humilité. Chargé du soin des pauvres, il n'entrait dans le lieu où il mettait le pain qu'après s'être déchaussé, comme Moïse pour entrer dans la terre promise. Pacôme attira à lui un de ses frères. Ils vécurent sous le même toit, sans se donner la moindre marque qu'ils se fussent jamais connus. Rancé avait envoyé un religieux à Sept-Fonds. Ce religieux se gâta. « Je me suis mécompté, » écrivait Rancé aux visiteurs, « j'en ferai pénitence toute ma vie. » La plupart des repentants du XVIe siècle et du commencement du XVIIe avaient été des bandits. Ils ne se transformèrent pas, comme les massacreurs de septembre, en marchands de pommes cuites, et ne vendaient point de leurs mains souillées de meurtre des fruits aux petits-enfants. Ces meurtriers étaient des déserteurs des armées du temps, des routiers, des condottieri, des ruffiens, somme toute des capitaines tels que Montluc et le baron des Adrets, qui faisaient sauter des prisonniers du haut des remparts, instruisaient leurs fils à se laver les bras dans le sang, accrochaient leurs prisonniers aux arbres. Valait-il mieux que leurs soldats? les illustres égorgeurs qui se retirèrent à Port-Royal et à la Trappe n'étaient-ils pas les dignes appelés à la retraite vengeresse qui les devaient dévorer? Un monde si plein de crimes se remplit de pénitents, comme au temps de la Thébaïde. Depuis la Réforme jusqu'à la mort de Rancé, on compte 197 religieux et 49 frères, parmi lesquels sont plusieurs de qui Rancé a écrit la vie et qui peuvent figurer dans les romans du ciel. On voit leurs noms dans l'histoire de l'abbaye de la Trappe, excellent recueil où tout se trouve rapporté avec une minutieuse exactitude. Je le recommande d'autant plus que j'y ai remarqué quelques paroles d'humeur contre moi. Cependant, je croyais ne les avoir pas méritées. À Port-Royal, même affluence d'hommes du monde. Mais à Port-Royal, il y avait des femmes et des savants. Palu, coulant le temps, médecin qui devint celui des solitaires, fit bâtir, nous dit Fontaine, un petit logis appelé le Petit Palu, à cause de la petitesse bien juste et bien ramassée de ses appartements. Vint ensuite Jancien Thomas, suivi de ses enfants. On vit accourir M. de la Rivière, officier, qui apprit la langue grecque et la langue hébraïque et se fit gardien des bois. À la Trappe arrivent Pierre ou François Fort, sous-lieutenant dans un corps de grenadiers, blessé dans plusieurs rencontres, plongé dans toutes sortes de vices, poursuivi par 10 ou 12 décrets de prise de corps, il était incertain s'il fuirait en Angleterre, en Allemagne, en Hongrie, ou s'il ne prendrait pas le turban. Il entendit parler de la Trappe. En quelques jours, il franchit 200 lieues. Il arrive à la fin de l'hiver par des routes défoncées et d'affreuses pluies. Il frappe à la porte. Son œil était hagard, son expression hautaine et dure, son sourcil fier, sa contenance militaire et farouche. Rancé le reçut. Des ulcères se formèrent dans la poitrine de Fort. Il vomit le sang sur la cendre et il expira. À Port-Royal, on voit un monsieur de la Pétissière, brave parmi les braves. Le cardinal de Richelieu se reposait sur lui de sa sûreté. C'était un lion plutôt qu'un homme. Le feu lui sortait par les yeux et son seul regard effrayait ceux qui le regardaient. Dieu se servit d'un malheur pour toucher d'une crainte salutaire son âme féroce et incapable de toute autre peur. Comme il avait une querelle avec un parent du cardinal, il eut plus de 8 jours un cheval toujours sellé et prêt à monter pour aller se battre contre celui dont il croyait avoir été offensé. La fureur qui le transportait était telle qu'encore qu'il fût le plus habile et le plus adroit du royaume, il reçut, après avoir blessé à mort son ennemi, un coup d'épée dans le bras entre les deux os. La pointe demeura enfoncée sans qu'il pût jamais la retirer. Il se sauva en cet état à travers champs, portant dans son bras le bout de l'épée rompue. Il alla trouver un maréchal qui eut besoin pour la retirer de se servir des grosses tenailles de sa forge. À la Trappe passe Forbin de Janson, obligé de quitter la France pour avoir tué son adversaire en duel. Il obtint ensuite sa grâce. Il se trouva à Marseille, sous Catina, reçut une blessure, fit vœu de se faire religieux et reçut l'habit des frères de la Trappe. Il fut envoyé au monastère de Buon-Solazzo, bonne consolation, et fonda une maison de trappistes sur les charmantes collines de la Toscane. Joseph Bernier, moine qui restait de l'ancienne Trappe, passa à l'arrivée de Rancé dans l'étroite observance. Il demanda en expirant que son corps fût jeté à la voirie. Cynisme de la religion, où se montre le cas que les chrétiens faisaient de la matière. Ces rigueurs se rattachent à un ordre de philosophie que notre esprit n'est pas plus capable de comprendre que nos mœurs de supporter. Timée, dans Diogène Laërce, raconte que les pythagoriciens mettaient leurs biens en commun, appelaient l'amitié égalité, ne mangeaient point de viande, étaient 5 ans sans parler et rejetaient par humilité les cercueils de cyprès parce que le sceptre de Jupiter était fait de ce bois. Ces pêcheurs de la Trappe et de Port-Royal se trouvèrent confondus avec des non-savants de toute nature. À Port-Royal était le jeune Lindo, d'une bonté et d'une ouverture de cœur à l'égard de tout le monde qui ne se peut concevoir. « Je sentais pour lui, dit l'ingénu Fontaine, une tendresse particulière. Il était fort simple, et je l'étais aussi. » De même parut à la Trappe frère Benoît, gentilhomme plein d'esprit, qui avait passé ses premiers jours à ne point penser. Rancé, qui tirait parti de l'innocence comme du repentir, a écrit sa vie de même qu'un jardinier fait une petite croix sur des paquets de graines pour étiqueter un parfum. M. de Sainte-Beuve a extrait avec la patience du goût les passages de Port-Royal que je viens de citer. Il ajoute « C'est le côté par lequel Port-Royal touche à la trappe et à M. de Rancé quand, sous les autres aspects, il paraît toucher plus près aux bénédictins de Saint-Maur et à Mabillon. Quand, par M. d'Andilly, il reste un peu à portée de la cour et presque figurant de loin ces riantes et romanesques retraites, imaginées en idée par Mademoiselle de Montpensier, par Madame de Motteville ou même par Mademoiselle de Scudéry. La trappe n'était pas riante, ses sites étaient désolés, et l'âpreté de ses mœurs se répétait dans l'âpreté du paysage. Mais la trappe resta orthodoxe, et Port-Royal fut envahi par la liberté de l'esprit humain. Le terrible Pascal, hanté par son esprit géométrique, doutait sans cesse. Il ne se tira de son malheur qu'en se précipitant dans la foi. Malgré le silence que la trappe gardait, il fut question de la détruire, tant le monde était effrayé d'elle. Elle n'échappa à sa ruine que par l'habileté de Rancé. Port-Royal fut moins heureux. Parti de Paris dans la nuit du 27 octobre 1709, d'Argenson investit Port-Royal des Champs avec 300 hommes. C'était trop pour enlever 22 religieuses, âgées et infirmes. Elles furent dispersées en différents lieux et l'on refusa quelquefois la sépulture à ces brebis, esselées du troupeau de la mère Angélique. Enfin, l'ordre de la démolition du couvent arriva le 25 janvier 1710, 10 ans après la mort de Rancé. Cet ordre fut exécuté avec fureur, selon Duclos. Les cadavres étaient déterrés au bruit de ricaneries obscènes, tandis que dans l'église, les chiens se repaissaient de chair décomposée. Les pierres tumulaires furent enlevées. On a trouvé à Magny celle d'Arnaud d'Andilly. La maison de M. de Sainte-Marthe devint une grange. Les bestiaux paissent sur l'emplacement de l'église de Port-Royal-des-Champs. La clématite, le lierre et la ronce, dit un voyageur, croissent sur cette masure, et un marsaule élève sa tige au milieu de l'endroit où était le cœur. Le silence est à peine interrompu par le gémissement du ramier solitaire. Ici, Sassy venait répéter à Dieu la prière qu'il avait empruntée de Fulgence. Là, Nicole inventa Arnaud à déposer la plume. Dans cette allée écartée, j'aperçois Pascal, qui développe une nouvelle preuve de la divinité du christianisme. Plus loin, avec Tillemont et Lancelot, se promènent Racine, La Bruyère, Despréaux, qui sont venus visiter leurs amis. Échos de ces déserts, arbres antiques, que n'avez-vous pu conserver les entretiens de ces hommes célèbres? Et quel est le chrétien persuadé, le génie poétique, qui s'adresse à ces illustres disparus? Comme jadis à Sparte, j'appelais en vain Léonidas. C'est l'ancien évêque de Blois, le juge de Louis XVI. Louis le Grand, vous avez enseigné à votre peuple les exhumations. Accoutumé à vous obéir, il a suivi vos exemples. Au moment même où la tête de Marie-Antoinette tombait sur la place révolutionnaire, on brisait à Saint-Denis les cercueils. Au bord d'un caveau ouvert, Louis XIV, tout noir, que l'on reconnaissait à ses grands traits, attendait sa dernière destruction, représailles de la justice éternelle. Eh bien, peuple royal de fantômes, je me cite, je ne suis plus que le temps. Voudriez-vous revivre au prix d'une couronne? Le trône vous tente-t-il encore? Vous secouez vos têtes et vous vous recouchez lentement dans vos cercueils. Rancé avait transporté avec lui au désert le passé, et il y attira le présent et l'avenir. Le siècle de Louis XIV ne négligeait aucune grandeur. Il s'associait aux victoires d'un reclus comme aux victoires d'un capitaine. Rocroi, pour ce siècle, était partout. Les querelles du jansénisme, les mysticités du quiétisme occupaient la ville et la cour, depuis Bossuet et Fénelon jusqu'à mesdames de Maintenon et de Longueville, depuis le cardinal de Noailles jusqu'aux maréchaux, amis ou ennemis de Port-Royal, depuis les adversaires du protestantisme jusqu'aux esprits entêtés de l'hérésie. Par Rancé, le siècle de Louis XIV entra dans la solitude, et la solitude s'établit au sein du monde. Dans ces premières années de la retraite de Rancé, on entendit peu parler du monastère, mais petit à petit sa renommée se répandit. On s'aperçut qu'il venait des parfums d'une terre inconnue. On se tournait pour les respirer vers les régions de cette Arabie heureuse. Attiré par les effluences célestes, on en remonta le cours. L'île de Cuba se décèle par l'odeur des vanilliers sur la côte des Florides. Nous étions, dit le Goy, en présence de l'île d'Éden. L'air était rempli d'une odeur charmante qui venait de l'île et s'exhalait des citronniers et des orangers. Fin de la section 6 et du livre 2.